Alors, je vous introduis, j'introduis aujourd'hui Gabriel Galezo, qui est maître de conférence à l'URFIS PACA, PACAC même. Alors évidemment, ça fait beaucoup d'acronymes pour une unité qui a 3 personnels. Alors on va dire ce que c'est, parce qu'il est là aussi pour ça. L'URFIS est un partenaire de Revue.org depuis de nombreuses années. L'URFIS, c'est l'unité régionale de formation à l'information scientifique et technique de la PACA et de la Corse. Alors, il faut qu'ils changent de nom. Il faut qu'ils changent de nom. Je suis membre de leur comité de pilotage. À chaque comité où je suis présent, je leur dis il faut vous changer de nom. Mais ça ne marche pas. Hein, parce que ce sont des unités régionales. Donc, il y en a une par région. Et personne ne comprend ce que c'est. Mais par contre, c'est la seule structure décentralisée de diffusion de l'information scientifique et technique. Ce qui veut dire, en fait, des préoccupations concernant l'information et l'information notamment numérique, dans le domaine scientifique. Et c'est stratégique. Et ils ne sont pas assez connus, je trouve. Et ni du nombreux, coup, d'ailleurs. Ni assez nombreux. Et pourtant, ils sont les fers de lance de la transmission de la compétence dans le domaine du numérique dans les universités et de la transmission de la compétence sur des sujets qui sont très difficiles à maîtriser et qui évoluent très vite. Je trouve que quand on organise régulièrement des formations avec eux ou grâce à eux à l'édition électronique, aux enjeux du numérique, au blog scientifique, etc. Et leur visibilité n'est pas assez forte. On a en fait beaucoup des fidèles et puis on n'arrive pas à faire au-delà. Je pense que le nommage est lié. Lié aussi. Et puis aussi, vous n'êtes pas assez nombreux aussi, parce qu'en fait, j'ai installé à Nice. Et l'implantation, la politique actuelle, quoi, avec l'autonomie des universités, une unité régionale, voilà. Où est sa place, quoi. Donc nous, on soutient les urfistes et on s'est allié aux urfistes au niveau national pour essayer de participer avec eux à la diffusion de la compétence, de façon à ce qu'on puisse avoir des débats autour de choses qu'on maîtrise un minimum. Hein, ça, c'est la difficulté. Sinon, on ne sera pas acteur de notre futur, pour dire des choses un peu grandiloquentes. Donc, Gabriel va nous parler des archives ouvertes depuis 10 ans pour essayer de faire un point sur ce sujet qui est important et sur lequel on a tous une idée, mais plutôt confuse et plutôt datée, hein, d'informations qu'on a eues il y a quelque temps. Donc, il va mettre à jour cette information. Je vais essayer, en tous les cas. Dans la mesure du possible. Et donc, je rappelle que vous avez dans vos régions des unités régionales de formation à la formation scientifique et technique et qu'il faut essayer de voir quel est leur programme et de leur suggérer des formations qui vous intéressent, parce qu'ils sont très ouverts aux suggestions. Et voilà, donc, Gabriel, je te cède la parole. Merci. Rien à rajouter. Alors, la demande de Revue.org, c'était de préciser 3 notions essentielles. L'open access, open archive, OIPMH et les notions qui tournent autour. Avec en sous-titre une question, 10 ans après, où en est-on ? Alors, je vais commencer une petite introduction en disant que ça m'a posé problème déjà, 10 ans après. 10 ans après quoi ? Alors, c'était précisé dans le libellé, 10 ans après le meeting de Santa Fe. Alors, dit comme ça, meeting de Santa Fe, si on n'a pas quelques autres points de repère, ça fait un peu bizarre. Donc, je vais commencer en remontant assez loin, même très loin, avec un retour sur la communication scientifique dans le temps. Alors, bien sûr, ce ne sont que des points de repère, d'accord. Je n'ai pas pu tout mettre sur une présentation. Néanmoins, j'ai essayé de mettre quelques points saillants, quelques points qu'on va retrouver comme ça tout au long de ces notions d'open access, open archive et OIPMH. Première chose, bien évidemment, c'est l'idée de dépôt, de diffusion dès 1660, pardon. Les premières revues vers 1665, les premières classifications. Alors là, vers 1876-1900, on va dire. La notion de lien qui apparaît aussi après-guerre. Ensuite, le Science Citation Index et tout ce qui relève, on va dire, de l'évaluation qui apparaît là entre les années 63 et 75. Une mention spéciale, puisque c'est ça qui va J'avance un peu, mais on va nous sortir du problème, avec notamment dans les années 70, les requests for comment, les emails, les bases de données qui font leur apparition, et puis l'histoire nouvelle, en quelque sorte, qui commence, et ce que je vais développer dans les diapos suivantes, qui arrive avec le web, et dès 1991, les premières archives ouvertes, les premières revues, et tout un tas de protocoles, de mouvements, d'initiatives qui vont voir le jour. Alors, la demande plus précisément, c'était 10 ans après, oui, parce que en 1999, on a eu le Santa Fe Meeting qui a fait date, et on va voir pourquoi. Alors, j'ai dit déjà plus de 10 ans, on pourrait dire aussi, ou encore 10 ans à attendre. Parce qu'en fait, ça c'est un modèle de la communication scientifique de 2020, alors c'est pas une erreur, c'est bien 2020 qui est indiqué. C'est un modèle qui est proposé par une dame qui s'appelle Julie Heard et qui met bien évidemment en avant ces notions qu'on va développer tout de suite après, d'open access au IPMH et d'open archive, avec, on le voit bien ici au niveau central, des serveurs, donc des archives ouvertes, et des revues en libre accès. D'accord ? Avec, alors c'est une particularité parce que ce schéma a quand même été produit dans le domaine des sciences de la biologie, enfin de la biologie en fait, au sens très large, et plus particulièrement de la génomique, enfin bon, on pourra rentrer dans les détails si vous le souhaitez après, parce qu'ici on voit que dès le départ, il y a toute une partie qui est faite à partir de collaboratoires de recherche. Mais bon, l'idée l'essentiel de ce schéma, c'est bien les archives ouvertes, les serveurs, les journaux en ligne, et puis tout ce qui va avec aussi, derrière, l'agrégation de sites, l'agrégation d'éditeurs, les digital libraries. Donc, est-ce qu'on est déjà en 2020? Est-ce qu'on a les prémices actuellement des 2020? Est-ce qu'on n'y est pas encore? On va voir ça, et ça fera partie peut-être du débat juste après. Donc, pour finir sur cette introduction, on a vu donc là des schémas de la communication scientifique à travers le temps, voire même dans un temps futur. Mais il y a quelques points dans cette histoire de la communication scientifique, quelques points d'achoppement, qui vont créer justement toutes les initiatives qu'on va voir après. En particulier, bien sûr, le diktat du Publisher Perish, où les auteurs, les chercheurs sont obligés de publier. Ils sont non seulement obligés de publier, mais avec le facteur d'impact, ils sont obligés de publier dans des revues à fort taux d'impact. Généralement, ils abandonnaient, alors je mets ça au passé, parce que bon, on pourra en discuter aussi, mais ils abandonnaient tout de leur œuvre, enfin de leur texte, d'accord, aux éditeurs. Il y a eu aussi une concentration des éditeurs spécialisés qui a provoqué inévitablement l'augmentation des prix des abonnements aussi, notamment aux revues. Il y avait aussi un autre point important, c'était le délai de publication entre la version auteur, la rédaction définitive par l'auteur d'un texte et sa publication, qui pouvait aller de très très loin. Donc ça aussi c'est un phénomène important, un point d'achoppement important. Et puis des restrictions sur ce qu'on peut publier. Effectivement, selon les revues, vous pouvez publier 10 pages, 15 pages, 20 pages, rarement 30. Et puis, si vous voulez mettre des annexes ou des choses comme ça, ce n'est pas possible. Donc, là, il y avait un blocage sur le modèle papier. Bref, un certain nombre de points d'achoppement, comme ça, dans l'histoire de la com scientifique, qui ont provoqué plusieurs initiatives. Ces initiatives, justement, alors là, on rentre dans le cœur du sujet et de la demande qui m'a été faite. On va revenir, donc, sur toutes ces notions Open Archive, Open Access, OIPMH. En les plaçant dans un premier temps, dans le temps, et après, on développera toute la partie, on va dire, des contenus de ces notions. Alors, on va dater la première revue sur le web, en fait, ça commence déjà, mais en 1991 avec Psycholoqui, donc une revue de psychologie réalisée par Arnald. Pourquoi j'ai mis 89? Parce qu'elle existait avant sur les réseaux, mais on va dire pas sur un réseau facile d'accès comme le web, etc. Donc j'ai préféré mettre la date de 91, même si la date réelle de création en ligne de cette revue est antérieure à 91. Donc là, on peut parler d'Open Access Journal, traduit en français, bien sûr, revue en libre accès. En 1991, toujours, en août 91, et là aussi, il y a eu des prémices un peu avant, mais on va dater aussi de 91, la première archive ouverte, donc Open Archive, qui est Archive, justement. Au départ, un serveur, enfin une plateforme, un entrepôt, on se mettra d'accord sur les termes juste après, de dépôt de préprint, donc de prépublication. En juin 1994, un texte, et au départ c'était une communication importante de Stephen Arnald, qu'il a appelé Subversive Proposal, où pour la première fois la notion d'auto-archivage apparaît. C'est l'idée de dire, bon, c'est bien gentil d'attendre les éditeurs pour publier. En même temps, nous, chercheurs, on pourrait parallèlement déposer sur des serveurs, sur des archives ouvertes, justement, nos textes. Et la notion d'auto-archivage apparaît. Alors, bien sûr, ce sont vraiment des repères, parce qu'il y a eu plein d'autres choses entre-temps, mais 99, et c'est pour ça qu'on a... On avait évoqué la notion de 10 ans après, le premier meeting à Santa Fe qui a lieu et qui voit la naissance de l'OAI, l'Open Access Initiative, un mouvement qui va proposer toute une série de mesures, mais qui est le début d'un certain nombre de mesures, et en particulier qui va commencer à proposer un protocole qui s'appelle l'OAI PMH pour Open Access Initiative Protocol Metadata Harvesting. D'accord ? On va revenir tout ça dans le détail après. Cette spécification, elle a vraiment vu le jour en 2001. D'accord ? Et puis ensuite, on va aborder ce que j'ai appelé les forbifries. Ça vous amuse, oui. Bon, ça... les forbifries, pourquoi ? Parce que c'est tout. Il y a les 4 B, hein, donc Budapest, Bethesda, Berlin 1, Berlin 3, et puis il y a eu plein d'autres Berlin, bien entendu, qui ne sont pas forcément tenus à Berlin, mais il y a eu plein d'autres Berlin, et tout ça relève de l'open access. D'accord ? Donc, on va jouer comme ça avec ces notions. D'accord. Les notions d'Open Access Journal, d'Open Archive, d'OAI PMH, d'OAI et d'Open Access. Alors pour l'Open Access, je précise juste ce que j'ai dit juste en dessous. L'Open Access, c'est finalement un mouvement et j'ai mis quatre dates qui me semblent essentielles pour ce mouvement de l'Open Access. Un, la première réunion finalement, le BOAI, Budapest OAI. Open Archive Initiative, qui voit des recommandations quant à l'auto-archivage de pré-print et de post-print, qui voit aussi l'encouragement à publier dans les revues en libre accès. En 2003, Bethesda qui voit apparaître la définition de ce que c'est qu'une publication en libre accès. Là aussi, on va rentrer dans le détail. Berlin 1, étape importante, puisque c'est aussi à cette occasion qu'on encourageait, on demandait aux institutions, aux organismes, etc., de s'engager sur ce mouvement de l'open access. Berlin 3, aussi date importante, puisque là on voit apparaître la notion de mandat impératif pour les institutions. Et puis, j'ai mis en tout petit, alors je ne sais pas si ça se voit de loin, une suite, alors ça ne fait pas partie des forbifries, mais ça fait partie de l'open access, un protocole d'accord qui a été signé en France en 2006, et puis quelque chose qui devrait voir le jour, le Federal Research Public Access Act, et on va tout de suite détailler ce que c'est. Alors, on va commencer par la notion d'Open Archive. Alors, bien sûr, traduction archive ouverte, c'est quoi ? Eh bien, déjà, ça s'apparente à un serveur, une plateforme permettant le dépôt de documents, et bien entendu, si on les dépose, on peut aussi les consulter. Ça ne recouvre pas la notion d'archive au sens français du terme, c'est-à-dire quelque chose de rétrospectif. D'accord ? Il y a aussi quelque chose qui est important, c'est la notion de pérennité des liens. Alors, pas forcément, comme on l'a vu dans ce qu'on a déjà pu entendre ici, la notion de pérennité des identifiants uniques, mais la pérennité des liens. Vous êtes sûr de pouvoir normalement retrouver un document dans une archive ouverte, normalement. Synonyme, et c'est pour ça que je parlais de vocabulaire ou de jargon tout à l'heure, parce qu'en fait, on peut parler d'archive ouverte, mais des fois, ce sont les termes de dépôt, de réservoir, d'entrepôt d'information qui pourront être utilisés. Ouvert, alors, bien sûr, ça recouvre la notion d'accès libre, de libre consultation. Et là, on rejoint tout le mouvement d'Open Access. Mais ouvert, c'est aussi sur son architecture. Et là, on fait référence au protocole OAI-PMH pour une architecture technique distribuée et interopérable. Donc voilà pour la notion d'archive ouverte. Le terme d'OAI maintenant, le terme d'OAI, je l'ai déjà dit, il est apparu avec la convention de Santa Fe au Nouveau-Mexique en 1999. Il avait pour but de développer et promouvoir des standards interopérables pour les bases d'articles scientifiques, définir un ensemble de protocoles pour la description des données et leur interrogation, et puis d'œuvrer pour la constitution d'archives électroniques, enfin, deviennent un processus établi dans la communication scientifique. Donc voilà l'objet de l'OAI. Et après, c'est pour ça qu'on a parlé de 10 ans, puisqu'il y a un certain nombre de choses qui en ont découlé. L'OAI-PMH, bon là je ne vais pas en dire grand chose puisque juste après il y a un cours de Stéphane Pouillot qui reprendra en détail la notion d'interopérabilité, donc j'imagine qu'il va passer en revue l'OAI-PMH, mais juste un mot de définition en fait. C'est un protocole qui définit les conditions de transfert de métadonnées d'une archive ouverte produite par un fournisseur de données vers un serveur de fournisseur de services. Et là, il manque un schéma qui n'est pas... Voilà, merci. Bon, c'est pas grave, je le montrerai tout à l'heure. Un principe de transfert aussi, qu'on appelle moissonnage, de fiches, pas de documentation. D'accord ? Donc en fait, c'est un protocole qui va permettre de réaliser l'interopérabilité entre, on va dire, des entrepôts d'information et des services. Ça aussi, rapidement... derrière ce protocole, il y a un certain nombre de commandes, des verbes, identify, list record, etc., qui vont permettre effectivement d'interroger, d'aller moissonner ou d'interroger effectivement ces entrepôts. Bon, mais là, je ne rentre pas trop dans le détail parce que je pense que c'est l'objet du cours d'après. Quoi. On passe à la notion d'open access. Alors, j'ai déjà dit tout à l'heure, j'ai déjà un peu entamé le sujet là, en disant que c'était l'auto-archivage d'articles pré ou post-print et la publication en libre accès avec, et là c'est une citation et ça me semble important de revenir sur cette citation, par libre accès à cette littérature, donc la littérature scientifique, nous entendons sa mise à disposition gratuite sur l'internet public permettant à tout à chacun de lire, télécharger, copier, transmettre, imprimer, chercher ou faire des liens vers le texte intégral de ces articles, les disséquer pour les indexer, s'en servir de données pour un logiciel ou s'en servir à toute fin légale, sans barrière financière, légale ou technique, autre que celle indissociable de l'accès et de l'utilisation d'Internet. La seule contrainte sur la reproduction et la distribution et le seul rôle du copyright dans ce domaine devrait être de garantir aux auteurs un contrôle sur l'intégrité de leurs travaux. D'accord ? Donc c'est assez fort, quand même, comme déclaration. Et à ce moment-là, à cette époque-là, en 2002, on encourageait qui le voulait bien à signer cette charte de l'Open Agora. On peut toujours la signer d'ailleurs en ligne. Mais c'était tout le monde, des individuels, des institutions, etc. C'était un engagement. D'accord. En 2003, on va dire qu'on remet le couvert, en quelque sorte. Et là, c'est une définition un peu plus précise, mais sur ce que c'est qu'une publication en libre accès. Et ça commence aussi très fort. Là aussi, je cite, parce que c'est important de reprendre les textes, en tout cas les parties de textes de ces déclarations, et ce pourquoi les institutions, auteurs, chercheurs, etc. se sont engagés. Donc, les auteurs ainsi que les titulaires du droit d'auteur accordent à tous les utilisateurs un droit d'accès gratuit, irrévocable, mondial et perpétuel. Et leur concède une licence permettant de copier, et là on reprend finalement les termes qui ont été utilisés de l'open access juste avant. D'accord ? Deuxième point, une version complète de l'œuvre, ainsi que tous les documents connexes, dont une copie de l'autorisation ci-dessous, est déposée dès sa publication initiale dans au moins un réservoir en ligne. D'accord ? Donc là aussi, voilà ce que c'est que, officiellement, enfin, le fait, sous forme de contrat ou d'engagement, on va dire, qu'une publication en ligne. Et là, une fois de plus, auteurs et institutions pouvaient s'engager sur ce contrat. Berlin 1. Alors ça fait beaucoup de textes, mais une fois de plus, ce sont des citations et ça me semble important. Berlin 1, ce qui est important, c'est déjà la définition, on va dire, du document ou de type de document qui était concerné par cet accès à la publication en libre accès. Donc la contribution en libre accès se compose de résultats originaux de recherche scientifique, de données brutes, de métadonnées, de documents sources, de représentations numériques, de documents picturaux, graphiques, de documents scientifiques et multimédia. Donc on parle souvent des documents scientifiques, mais en fait, dans la déclaration de Berlin 1, il y a aussi toutes les œuvres picturaux, graphiques, etc. etc. D'accord ? Et puis là, autre point important, et c'est surtout ça Berlin 1, c'est que ce sont les organismes, les institutions qui vont s'engager à encourager les chercheurs et boursiers à publier leurs travaux selon les principes du paradigme du libre accès. Donc là, ça fait référence à l'open access qu'on a vu juste après. Encourager les détenteurs du patrimoine culturel à soutenir le libre accès en mettant leurs ressources à disposition sur l'Internet. Développer les moyens et les modalités pour évaluer les contributions au libre accès et les revues scientifiques en ligne pour maintenir les critères d'assurance de qualité et d'éthique scientifique. Agir favorablement pour les publications en libre accès soient jugées lors des évaluations intervenant dans le cadre de promotion en ligne, etc. Ça, c'est quand même important. Promotion professionnelle et académique. On va voir, ça fera partie, j'imagine, des questions pour le débat. Et illustrant les mérites intrinsèques du libre accès et des contributions à une telle infrastructure pour le développement d'outils logiciels, la fourniture de contenu, la création de métadonnées et publication d'articles. Avec une petite phrase non négligeable en bas, nos organismes ont pour but de trouver des solutions aptes à soutenir le développement des cadres juridiques et financiers actuels en vue de faciliter un accès à des usages optimaux. D'accord ? Donc ça, Berlin 1, c'est vraiment l'engagement des institutions à favoriser l'open access. Berlin 3, j'ai pas traduit d'ailleurs, Berlin 3, c'est vraiment le mandat impératif. Demandé par les institutions à ces chercheurs. D'accord ? Et un encouragement, toujours, à publier dans des revues en libre accès. Donc voilà pour les 4B. D'accord ? Il y en a d'autres, hein, mais ça me semblait essentiel. Et pour continuer sur l'open access, on va revenir sur un protocole d'accord donc, qui a été qui a été mis au point vers l'automne 2005, mais qui a été effectivement signé en 2006, juillet 2006, au niveau français. Donc, protocole d'accord entre les EPST et les CPU et le CCSD pour une approche coordonnée au niveau national pour l'archivage ouvert de la production scientifique. Avec, et là j'ai mis en exergue une petite phrase, permettent à la fois aux chercheurs de communiquer directement leurs travaux à l'ensemble de la communauté internationale, vers des archives ouvertes, aux institutions de recherche, universités, EPST, grandes écoles, de rassembler, d'afficher, de valoriser, de promouvoir, de pérenniser leur production scientifique et, de façon générale, à la recherche française d'améliorer sa visibilité au sein de la communauté scientifique internationale. D'accord ? Donc c'était ça le grand truc, mais la grande nouveauté, c'est que effectivement, c'est bien l'ensemble des organismes scientifiques français qui ont, enfin, l'ensemble, une grande partie, une majorité des organismes français qui ont signé ce protocole d'accord, avec une plateforme de référence proposée comme référence, HAL, donc l'archive ouverte du CCSD. Avec quelque chose finalement d'original qui était proposé, c'est une articulation centrale locale, puisque HAL, bien sûr, ça centralise, mais vous pouvez avoir des instances ou des vues de HAL pour votre institution. D'accord ? Et j'ai repris une petite phrase d'Arnaud qu'il avait annoncée à ce moment-là. De manière, alors on ne sait pas, plus ou moins ironique, mais enfin bon, ça vaut le coup quand même de l'entendre. If it succeeds, it will be an enormous coup pour la France, un terrific direction setting from the rest of the world. Alors est-ce que on va impulser, est-ce qu'on a impulsé, je ne sais pas, on verra, n'empêche que peu de temps après, quand même, Arnaud mettait en place ce qu'ils appellent The Depot, qui effectivement centralise The Depot, ouais. The Depot, sa dépote, je ne sais pas, mais qui centralisait aussi, en tout cas pour les institutions qui n'avaient pas d'archives ouvertes, proposait un dépôt central comme HAL. D'accord ? Alors, il y a plein d'autres déclarations comme ça dans d'autres pays. Donc, j'ai fait un choix. J'ai mis, on va dire, la dernière nouveauté, en tout cas celle que j'ai retenue. C'est un projet de loi, donc le Federal Research Public Access Act, un projet de loi déposé le 25 juin 2009, d'accord, par deux sénateurs américains, un républicain, un démocrate, ça c'est important. C'est-à-dire qu'il y a, a priori, bon, il pourrait y avoir des guéguerres, mais c'est deux sénateurs de camps différents, qui visent à rendre obligatoire la mise à disposition en accès libre et gratuit de documents, donc articles de communication de congrès, etc., etc., rendant compte de recherches financées totalement ou majoritairement par des crédits publics fédéraux. D'accord ? Donc en gros, ce serait un mandat impératif au niveau fédéral, quoi. D'accord ? Et puis alors bien sûr, on sait ce que ça fait, c'est généralement quand les États-Unis adoptent quelque chose, ça provoque un effet d'entraînement outre-Atlantique. Donc on va voir ce que ça va donner si jamais c'était développé. Il faut quand même noter que l'OCDE avait déjà fait quelques recommandations, enfin, avait fait voter des recommandations par l'ensemble des ministères dans cette même voie, c'est-à-dire de mandat impératif à partir du moment où les travaux étaient financés publiquement, ils devaient être disponibles publiquement. Quoi. Voilà pour cette petite intro sur les notions. Donc je vais continuer, mais... on aurait pu faire aussi une pause pour parler de ces notions. Alors, je ne sais pas comment on procède. On fait une pause maintenant ou on voit tout à la fin sur les questions ? sur les notions. Peut-être que s'il y a des choses pas claires. Si j'ai pas été clair sur les notions, ou si vous voulez des précisions sur, parce que c'était la commande essentielle, c'était la première partie de la commande, c'était être clair sur cette notion d'open access, OIPMH, open archive, open archive et quoi d'autre? Open access. Open access, j'ai dit, ouais. Open access. Ouais. J'ai une question sur les acteurs. C'est-à-dire, vous dites qu'il y a une réunion à Santa Fe en 99, mais qui c'est qui se réunit? Qui c'est qui a l'initiative de ce type de réunion? Alors, un certain nombre de personnes, déjà. C'est comme... des gens privés, c'est des institutions. C'est des chercheurs et qui sont plus. Enfin, et des institutionnels aussi, donc c'est les deux, mais. On retrouvera Ginspar, on retrouvera des gens qui avaient déjà monté des choses dans le domaine du libre accès, quoi. Voilà, quoi. Et c'est l'idée de monter une initiative, c'est pour ça que ça s'appelle Open, une initiative qui devrait faire boule de neige, mais cette réunion elle vise d'abord à réaliser un protocole qui permettra l'échange de données. D'accord ? Donc au départ, il y avait dans ce meeting, il y avait essentiellement des acteurs, des réalisateurs déjà de revues ou de personnes ou de revues ou d'archives ouvertes ou qui étaient en passe d'en réaliser en fait pour rendre disponible en libre accès textes, articles. Donc on dira que ça vient de la société civile en fait. Voilà. Société civile universitaire. Universitaire. Principalement de chercheurs, mais bien sûr, comme ça se passe, on a plusieurs casquettes. On est chercheur, mais on peut être aussi responsable, etc. Mais ça vient, le mouvement vient d'abord des chercheurs, quoi, en fait. Donc c'était clair. Est-ce que c'est une redite ou pas? Parce que... Alors, donc du coup, on va voir en pratique. Juste un point quand même sur l'OIPMH, parce qu'il y a aussi une question derrière. C'est à chaque fois que ça coûte un peu d'argent, qui c'est qui paye? Parce qu'il y a quand même cette dimension-là. Donc moi, ce que j'ai compris et tu vas compléter, c'est d'abord que par exemple, il y a des leaders. Charismatique, dont s'est dotée la communauté ou qui se sont imposés à la communauté, Ginspar, Steven Arnad, des gens comme ça, qui sont capables de drainer une dynamique. Ensuite, il y a des universitaires qui ont obtenu John Wilinski à Stanford, quand il a besoin d'aller à Budapest pour la réunion Berlin, les réunions s'appellent Berlin, mais elles ne sont pas toutes à Berlin. Stanford lui paye le voyage parce qu'il a les moyens de demander à son institution. Donc ça, il y a un certain nombre de gens qui sont capables de convaincre des laboratoires ou de convaincre des universités de payer des déplacements. Par ailleurs, pour les développements informatiques et la définition de protocoles et de formats, pour l'OIPMH, si j'ai bien compris, c'est Georges Soros qui a financé, c'est-à-dire un des plus grands capitalistes, celui qui a ruiné l'Argentine. Ah, on est bien d'accord. Georges Soros a créé une fondation pour la diffusion du savoir, donc la diffusion des écoles et aussi dans le monde, et aussi la diffusion du libre accès à la littérature scientifique. Et des gens comme Steven Arnold ou Ginspar ne se seraient pas laissés, embrigadés par Soros s'ils n'avaient pas eu des mains libres, et objectivement, ils ont rendu un format d'interopérabilité libre, gratuit, qu'on peut réutiliser, etc. C'est-à-dire, en fait, on ne s'est pas fait instrumentaliser. On a simplement consommé un peu d'argent qui n'est pas d'une propreté, qui a été blanchi, quoi. Voilà. Il faut le savoir, mais Pierre va nuancer mon propos. Un peu. Un peu. Voilà. Là, je vais un peu gêner des 5 dernières minutes de discussion parce qu'il me semble qu'il y a un acteur qui a joué un rôle assez important quand même dans le développement du protocole en particulier, c'est les bibliothèques. Donc, où est-ce que je me trompe complètement, mais il semble qu'il y avait un certain nombre de bibliothèques universitaires qui étaient présentes. Aussi, oui. Départ, oui, c'est vrai. Voilà, donc, aussi, le lutte à oui, tout à fait. Oui, toute bibliothèque américaine, notamment. Américaine, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui. Ça fait partie des acteurs. Institutionnel, effectivement, comme on évoquait les chercheurs, les bibliothèques, et tu as entièrement raison, j'ai oublié de préciser ça. Et puis il y a des programmes de recherche, je caricature pour Soros pour que ce soit bien ancré, mais il y a aussi des programmes de recherche, notamment financés par le GISC en Angleterre, donc par les TGE à Venise en anglais pour, oui. Sur des solutions techniques ou sur des observations, c'est des, sur des Roméa et Sherpa, Roméo bah, et Sherpa voilà, sont financés par des organismes publics. Donc derrière, il y a aussi eu un mouvement, des mouvements nationaux qui ont lancé des initiatives qui sont devenues structurantes par la suite. Bon, donc je continue quand même et on reviendra, mais merci pour les remarques parce qu'effectivement, c'est sur le financement, je n'avais pas précisé, et sur les bibliothèques, c'est bien de faire de l'avancée. Donc oui, en pratique, mais ça va être très rapide parce que c'est, il n'est pas question de faire un peu de la pratique maintenant, mais de revenir sur quelques points essentiels, donc sur quel logiciel, quelle plateforme pour la publication libre accès, quels documents ça concerne, on pourrait voir éventuellement quelques exemples, mais je crois qu'on n'aura pas le temps. Il y a peut-être aussi, on peut faire le point rapidement sur des outils de recherche dédiés à tout ce qui est libre accès. Qui répond notamment au protocole OIPMH, et puis un recensement aussi, cartographie en quelque sorte chiffrée de combien d'archives, combien de revues, etc. etc. Alors, des softs et des plateformes, alors, rapidement, hein, parce qu'il y en a plein d'autres, mais pour les archives ouvertes, on peut citer iPrint, DSpace, Fedora en logiciel. Ces logiciels, vous prenez ou les... Enfin, les installer sur un serveur et puis c'est fini. Non, ça ne se passe pas comme ça, mais en tout cas, c'est des logiciels qui sont prêts. Et d'ailleurs, le iPrint.org, dans ça, est assez intéressant parce que c'est en 2001 le premier logiciel que vous pouviez prendre, installer sur un serveur et avec un minimum de manipulation et un informaticien, vous pouviez monter quand même une archive ouverte rapidement qui répondait à l'ensemble des protocoles. D'accord ? HAL, là, moi, j'appelle ça plutôt une plateforme. Donc là, on vous propose un service clé en main. Vous n'avez rien à faire, pas l'installation, c'est la maintenance. Tout est centralisé au CCSD. Donc c'est aussi intéressant. La même manière pour les revues en libre accès, vous avez l'ODEL, Open Journal System, etc. Donc là aussi, vous pouvez l'installer sur un serveur, vous débrouillez, d'accord. Mais vous avez aussi des plateformes comme Revue.org qui vous proposent des services, d'accord. Donc Il y en a d'autres, il y a Cielo par exemple pour l'Amérique du Sud, voilà. Qui est en open access mais qui n'a pas de logiciel libre. Mais en revanche, j'ai pris les exemples français bien évidemment, quoi. Mais il y en a d'autres, quoi. Percé aussi qui est Percé. Une plateforme conforme au protocole IPMH, ouais. Kern aussi. Mais tu peux pas, enfin on reviendra, mais là c'était l'idée de pouvoir déposer Percé, tu t'as pas. Oui. Tu peux pas décider de monter une revue dans Percé. Donc c'est du rétrospectif. Quoi. Mais c'est, par contre, ça répond au protocole IPMH, tout à fait. Quoi. Mais on reviendra, il y a plein d'exemples. Alors, les documents, donc j'ai essayé toujours de faire la part des choses entre AO pour archives ouvertes, RLA pour revue en libre accès, d'accord. Alors bien sûr, c'est les articles scientifiques pour les deux. Bien sûr, on peut adjoindre à ces articles scientifiques des données primaires et puis ce que j'ai appelé des adjuvants à la recherche qu'on a vu dans le bookcamp d'hier avec différentes revues qui proposent tout bêtement hein, de la vidéo, des choses, des machins, hein, un tas de données connexes à l'article. On peut aussi ajouter bien sûr des documents multimédia. Alors, il y a des revues qui se montrent qui peuvent être entièrement, je ne sais pas si vous connaissez la revue Jove. On pourra aller la voir tout à l'heure. C'est une revue entièrement à base de vidéo. Quoi. Le matériel principal de la revue, c'est de la vidéo. Quoi. Bien entendu, on a aussi, pour les archives ouvertes, on va avoir les thèses, on va avoir les rapports, les études. Il y a eu quelques essais avec les cours, mais bon, on a des plateformes qui sont dédiées à ça normalement, donc les cours, ça ne marche pas trop. On peut trouver des ouvrages. Et j'ai mis notice bibliographique parce que il y a une... si je dis dérive, c'est un peu péjoratif, mais en même temps, ça peut être très utile à rentrer simplement les références bibliographiques, et à ce moment-là, ça devient une notice bibliographique, dans les archives ouvertes. D'accord ? On n'a plus le texte qui est associé, mais on a simplement une référence bibliographique. Alors, ça peut être très utile quand même, notamment dans le cadre de disciplines qui ne sont pas forcément très bien structurées. On peut constituer comme ça assez facilement une base de données à partir du dépôt des notices de chaque auteur. Et pour les revues en libre accès, ben, alors, bien sûr, j'ai mis entre parenthèses ouvrages et carnets de recherche. C'est par rapport au projet de revue.org, mais on ne peut pas vraiment parler là de revue à part entière, mais ça fait partie d'un projet global, d'une plateforme de revue. Quoi. Alors, des exemples, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais bien sûr... Alors, je pense que ce PowerPoint, on pourra le rendre disponible sur le wiki. Voilà, c'est ça. Je pourrais même le mettre sous la forme wiki, si vous voulez. Bien sûr, mais je crois que tout le monde connaît des exemples d'archives ouvertes. Alors, j'en ai pris au hasard, hein, dans le domaine. Au hasard, pas si au hasard que ça, mais l'archage parce que c'est la première, Cochrane parce que c'est la seconde, Sightseer parce que c'était l'un des premiers projets intéressants, notamment à faire des liens entre les citations à l'intérieur de l'archive, donc ça c'est un super projet. RIPEC, enfin Icon Paper, là aussi un projet intéressant qui a tendance à agréger tout un tas de documents. Pas seulement du préprint et du postprint, mais aussi des notices bibliographiques, etc., etc. HAL, pourquoi ? Parce que c'est français. Et puis Open Video Project, parce que souvent on pense toujours pareil, archives ouvertes, articles scientifiques. Non, on peut avoir une archive ouverte de vidéos. D'accord ? C'est possible aussi. Et pour des exemples dans les revues en libre accès, alors on peut noter revue.org, percé, et puis bien sûr c'est des petits points, ce ne sont que des exemples qu'on n'a pas eu le temps d'aller voir, mais je crois que tout le monde les connaît, quoi. Sinon on pourra aller voir à la fin. Alors, des outils de recherche dédiés, ça me semble intéressant parce que il y a plusieurs choses. Déjà, des outils qui vont mettre en action le protocole OAI-PMH et le principe de OAI-PMH, avec notamment un des moissonneurs, comme Oyster, qui vont alors récolter l'ensemble des données issues de différentes archives ouvertes. Je crois qu'ils récoltent, on va voir ça juste après, mais plus de 1000, ça c'est sûr, on ne connaît pas le chiffre réel, mais plus de 1000 archives ouvertes. Les notices de plus de 1000 archives ouvertes, et vous pouvez interroger, c'est... le mieux, c'est d'y aller, quand même. Ah. Bing, ça marche pas. C'est le réseau, ou c'est... Bah, pendant que tu parles, je vais m'en occuper. plus de 1000 archives ouvertes, l'idée de moissonner, mais peut-être que tout le monde connaît, je sais pas si c'est vraiment la peine de... Je crois que tout le monde ne connaît pas et voilà, il faut que tu considères que nous sommes des ignorants. D'accord. C'est vrai. Et tu as besoin de ton support pour parler, c'est ça ? Non, je te regardais. Donc, des moissonneurs, donc Weister, qui représente effectivement... qui est l'exemple typique d'un moissonneur, puisqu'il va donc récolter ses faits et qu'on va pouvoir interroger. Donc ça fait des millions de notices à interroger. Le résultat, c'est quoi ? C'est que Oyster va afficher la notice, et puis quand on va cliquer dessus, on va être redirigé sur l'archive en question. D'accord ? Ensuite, il y a, donc sur mon support, il y a effectivement un moteur de recherche qui s'appelle Scientific Commons, qui, lui, est, alors, c'est aussi c'est un moteur de recherche vraiment parce qu'il va rechercher en full texte, mais il va rechercher en full texte aussi sur les notices les notices OAI. Voilà. Alors Oyster, première chose à regarder, c'est ça. Donc plus de 1000, quand je disais plus de 1000, c'est 1139 archives ouvertes qui sont intégrées entre guillemets dans Oyster. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire plus de 23 millions de notices à consulter. Donc quand on fait une recherche dans Oyster, on recherche dans 23 millions de notices. Ou dans plus de 1000 archives ouvertes. D'accord ? Donc il y a deux... vous pouvez soit aller chercher consulter une archive ouverte en particulier avec un index, soit rechercher effectivement dans Oyster... avec des champs spécifiques comme recherche documentaire normale. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va chercher ? Allez. Voilà. dans la totalité, non, dans le titre. Et puis là, vous pouvez choisir texte, audio, image. Bon, il y a un certain nombre de choix possibles. D'accord. Et quand vous faites la recherche, normalement, je devrais avoir un certain nombre de fiches qui vont m'être retournées. On peut appeler ça des fiches catalographiques qui, en fait, sont les métadonnées. D'accord. Voilà une fiche. D'accord. On retrouve, bien sûr, le principe de l'OAI à travers le Dublin Core ici. Donc on a titre, etc., etc. Et puis donc j'ai 191 fiches que je peux comme ça consulter. Par contre, si je clique ici, je ne vais pas le faire pour ne pas perdre de temps, si je clique ici, je vais être renvoyé directement sur l'archive en question. D'accord. Petit détail intéressant, les 191 fiches qu'il m'a retrouvées avec le mot-clé que j'ai mis, il me les redispatche à travers les archives ouvertes dans lesquelles il les a trouvées. J'avais 8 enregistrements dans Archive avec ce mot-clé, 4 enregistrements dans BioOne avec ce mot-clé, etc., etc. D'accord. Donc, en fonction de mon centre d'intérêt, soit je les passe en revue, bien sûr, soit je vais directement sur l'archive en question. Alors, voilà. Voilà donc pour Oyster. Si on pourra revenir tout à l'heure si vous avez d'autres questions. Pour Scientific Commons. Oui, ça va marcher. Scientific Commons, c'est le même principe, mais là, sous la forme d'un moteur de recherche. En fait, c'est parce que tu as la poisse. Si j'ai la poisse, hein, c'est ça. Ouais. Sous la forme. En fait, tu veux un assistant, c'est ça, j'ai compris. Bah, c'est, j'osais pas te le demander. Mais... Est-ce que tu payes bien? Très mal, c'est normal. Scientific Commons. Et non, mais. Non, c'est pas moi, c'est pas mes liens, c'est vraiment le réseau. Ah. Bon, bah du coup, je vais faire comme Mara hier, hein. Je vais expliquer avec les mains. Alors. Oui, effectivement, il y a une perte de réseau. Mais derrière, je vois qu'on est connecté en Ethernet. Ah oui. Non, non, c'est dans fichier. Oui, non, mais c'est le wifi est parti, donc. Non, mais il y a pas. Oui, il y a de l'Ethernet. Bon, il y a de l'Ethernet. Continue à parler. Oh, je continue à parler. Donc. Scientific Commons, donc si on peut le voir, on verra, mais vous le verrez chez vous, sinon c'est un moteur de recherche qui reprend aussi cette notion de fiche qui va rechercher en fait en full text sur les notices. C'est un moteur à la Google, c'est intéressant, etc., etc. Ensuite, vous avez donc des répertoires qui vont vous lister l'ensemble des archives ouvertes ou des journaux. Donc quand je dis répertoire, je ne pourrai pas aller voir, mais c'est pas grave. Donc c'est donc des listes de d'archives ouvertes qui sont proposées dans OpenDOAR. Et vous pouvez les rechercher par pays, vous pouvez rechercher par thème, vous pouvez rechercher par type de plateforme utilisée, vous pouvez, bref. Mais là, ce que vous allez rechercher, ce sont les archives ouvertes elles-mêmes. D'accord ? Un réservoir. Bon, alors avec une petite astuce, notamment avec Google Custom, ils ont fait en sorte de pouvoir rechercher à l'intérieur de ces archives. DOAJ, c'est un répertoire de revues en libre accès. D'accord ? Donc là, là aussi, vous pouvez rechercher soit un titre de revue, il y en a plus de 4000 qui sont référencés, d'accord ? Vous pouvez rechercher à l'intérieur de revues, mais pas pour les 4000, pour les, je crois qu'il y en a 1300, vous pouvez rechercher à l'intérieur simplement de 1300 revues. D'accord. Et puis bien sûr, il y a d'autres outils de recherche qui vont se servir des archives ouvertes, avec ou non le protocole OIPMH, sur ça, Google Scholar, non. Pour Cyrus, j'en sais rien. Mais on va d'autres moteurs de recherche qui vont se servir des entrepôts d'information et des revues en libre accès. Alors maintenant quelques chiffres. Recensement, alors des archives ouvertes. Donc il y a plusieurs moyens de recenser les archives ouvertes. Il y a le ROAR, le Registry of Open Access Repository, qui lui en dénombre 1447. D'accord. Donc ça, j'ai regardé ça hier, donc ça devrait être toujours valable aujourd'hui. OISTER qui en dénombre, on vient de le voir, 1139. Et le OpenDOAR qui lui en dénombre 1463. D'accord. Alors, il y a dedans, et elles sont référencées soit des archives ouvertes au sens créées spécialement dans le cadre de l'open access, etc., etc., qu'on vient de le voir, mais il y a ce que j'appelle aussi l'OAisation de base de données. C'est-à-dire, c'est possible de rendre OAI finalement une base de données. Donc, dans OpenDOAR sont référencées toutes les plateformes qui respectent le protocole OIPMH. Bon. Si on avait du réseau, j'aurais pu vous montrer aussi, c'est assez intéressant. Moi, je peux toujours essayer, on ne sait jamais. Le réseau, il y est. Ah, tu te dirais dès qu'il y a. D'accord. C'est le classement des archives ouvertes. C'est fait par Webometric et ça donne un classement des archives ouvertes, alors selon une méthodologie de visibilité sur le web, d'accord. Et c'est assez intéressant. Ben voilà. Non, pas les universités. Alors, ils ont fait la même chose pour les universités pour contrebalancer le classement de Shanghai, mais bon, c'est pas l'objet. On va voir par exemple le top 400 des archives ouvertes, d'accord. Voilà, vous avez Social Science Research Network, une archive américaine qui est première avec en taille, en visibilité, en texte, en full texte associé, et derrière c'est l'apparition dans Google Scholar, quoi. Les liens à travers Google Scholar, quoi. Donc voilà. Top, une façon de... Vous avez le top 400 institutionnel. Bref, vous pouvez... Il y a un certain nombre comme ça de classements, de plateformes qui vont permettre de trouver soit une idée d'archives ouvertes qui sont disponibles sur le web et aussi des classements possibles. Bon, voilà. Pour revenir, le plus simple, c'est ça. Alors on peut regarder puisqu'on a, on a l'accès sur OpenDOAR directement. Vraiment la poisse. Bah, c'est le wifi. Bon, d'accord. Non, ça a marché. Voilà. Donc, dans OpenDOAR, quand on fait search repository, ici, on peut chercher donc par sujet, comme je le disais, par pays, ok, par type. Non, c'est là. Par type de plateforme qui supporte les archives ouvertes, d'accord. Donc si on veut par exemple savoir le nombre d'archives ouvertes françaises, c'est où, oh, ah oui, c'est classé, c'est mal, enfin, mal classé entre guillemets, voilà, on en est à 47, voilà, et j'ai la liste des 47 archives ouvertes françaises référencées par OpenDOAR, mais généralement c'est assez fidèle, d'accord. Donc, et à titre indicatif, comme ça fait quelques temps que je fais cette présentation, en tout cas celle-là, j'avais noté au passage la progression en France du nombre d'archives ouvertes. Donc, selon OpenDOAR, il y en a 47 actuellement. En 19, en décembre 2004. 39 en octobre 2007 et 42 en mars 2008, quoi. D'accord. Donc une assez belle progression pour le recensement des revues en libre accès maintenant. Alors on a OpenDOAJ, d'accord, qui est en référence 4350. Comme je disais tout à l'heure, vous pouvez chercher donc soit par un index, soit par le titre de la revue, mais vous allez trouver des revues. Par contre, ils ont un autre service, on peut rechercher à l'intérieur des revues, d'accord, mais là, vous ne pourrez chercher qu'à travers 1600 des brouettes revues. Okay. Il y a un autre site réalisé par des Indiens qui est assez, assez intéressant aussi, qui est plus large. Mais autant DOAJ va recenser des revues qui répondent à un certain nombre de critères, comme par exemple peer review. Là, OpenGigate, lui, ne s'embête pas avec ça, enfin il l'indique, mais il essaye d'avoir un référencement exhaustif des projets de revues en libre accès, avec un reviewing ou sans reviewing. Quoi. Alors, à titre indicatif, j'ai regardé sur l'ISSN le nombre de revues finalement existantes. Alors, existantes, c'est-à-dire vivantes ou mortes, parce que je n'ai qu'accès au numéro, d'accord ? Libre accès au nom, j'en sais rien. Mais il y a donc, ça veut dire qu'il y a près de plus d'un million, presque 1,5 million de numéros ISSN qui ont été délivrés et quelques 62 000 ISSN délivrés pour des revues en ligne. Donc on peut considérer que c'est des revues qui sont existantes, qui ont existé en ligne un jour ou l'autre. C'est pour faire la comparaison avec le référencement que fait par exemple OpenDOAJ et OpenGigate. Est-ce que ça définit des revues scientifiques ou des... Non, c'est tout confondu. Tout confondu. C'est des périodiques. C'était histoire d'avoir une idée du volume. Quoi, hein. Donc, ce qui est recensé par OpenGigate est lié à ce que propose en chiffres. Alors, les aspects juridiques, alors, je ne suis pas du tout. Il est en question de faire. De toute manière, il y a eu un intervenant excellent hier, donc je ne vais pas refaire la mise au point juridique. Mais ce que Marin évoquait tout à l'heure, il y a des choses assez importantes, qu'on peut appeler le Shakespeare et le droit de diffusion, parce qu'ils font référence à Roméo et Juliette. Et Roméo, c'est une base de données qui va recenser finalement la politique de 686 éditeurs, d'accord ? Et Juliette qui va recenser la politique des financeurs. Avec l'idée derrière, c'est pour les auteurs notamment de dire, est-ce que si je publie chez cet éditeur, quel droit j'aurai de déposer ensuite dans les archives ouvertes ? Ou quel droit j'ai, puisque finalement, souvent, j'ai déjà rédigé quelque chose, j'ai déjà publié, est-ce que mon éditeur m'autorise ou pas à publier dans une archive ouverte, par exemple ? Et il y a quatre, donc pour le Roméo, il y a quatre couleurs. Les revues sont distinguées sous forme de quatre couleurs. Les revues blanches, donc celles dont les éditeurs n'ont pas de politique formelle autorisant l'auto-archivage. Alors ça veut dire, soit on n'en sait rien, hein, d'accord. C'est très clair comme ça. Les revues jaunes autorisent l'auto-archivage des pré-publications. Donc c'est avant en révision du comité de lecture. Les revues dites bleues autorisent l'auto-archivage des post-publications, d'accord. Et les revues vertes, donc on peut tout faire, c'est comme au feu vert, quoi. Donc c'est l'auto-archivage des pré- et des post-publications. Alors à titre indicatif, voilà ce que ça représente, d'accord. Il y a 30% des éditeurs qui autorisent le vert, en fait, donc pré- et post-publication. En bleu, 22%, en jaune, 11%, et quand même en blanc, hein, 39%. Quoi. Donc, ça, c'est ce que référence Roméo Sherpa. D'accord ? Juliette, donc c'est une liste de financeurs. L'idée, c'est de dire, eh ben, moi, quand je fais de la recherche, j'ai été financé par l'Europe, telle institution, tel truc. Hein. Qu'est-ce que ce financeur me dit de faire par rapport à l'open access ? D'accord ? Et là, si vous avez l'obligation de déposer dans une archive ouverte par le financeur, vous allez peut-être être en contradiction avec le fait de rédiger un article chez tel ou tel éditeur. D'accord ? Donc, c'est des choses, deux bases de données qui permettent aux auteurs de se renseigner avant, après, de leur possibilité de déposer dans des archives ouvertes. Ou l'obligation, possibilité ou obligation, quoi. D'accord ? Alors, bien entendu, mais bon, je fais que survoler. J'ai... Après, en serré là. Ouais. Je fais que survoler le Creative Commons puisque ça a été vu, mais bon, c'est aussi une possibilité sur les droits. Alors, en guise de conclusion, on y arrive, j'ai encore 4 dépôts et je m'arrête. En guise de conclusion, on va s'interroger sur ce que transforme l'ensemble des initiatives qu'on vient de voir. Bon, je passerai très rapidement sur la barrière Open Archive, revue en libre accès, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous indiquerai quelques listes pour suivre l'info sur le sujet, parce que bien sûr c'est quelque chose qui est vivant. Et puis j'aimerais bien qu'on passe à une série de questions pour engager le débat. Alors rapidement, au début, vous vous rappelez, il y avait un schéma là où j'indiquais un certain nombre de points importants dans la communication scientifique. Je dis qu'en fait, Open Access, enfin toutes les initiatives qu'on a vues reprennent une partie de ces éléments, d'accord, enregistrement public des connaissances, société savante, coût minimum UFQ, de revient minimisé, échange personnel communautaire, etc., etc., et en transforme d'autres parfois. Et donc effectivement, le dépôt de pré-print, post-print, de possibilité d'ajouter un certain nombre de documents. D'avoir des possibilités de recherche ou de thèse, d'être la mémoire scientifique publique, d'être interopérable, blablabla. Bref, on pourrait lister comme ça un certain nombre de points, mais il y a vraiment, ces initiatives ont vraiment transformé le principe de communication. C'est évident, mais c'est bien de le rappeler. Alors ça, on revient sur le bootcamp d'hier, mais c'était l'idée de montrer qu'à travers un modèle comme ça, ça peut être un modèle heuristique pour bien comprendre l'ensemble des notions qu'on a vues entre revues en libre accès, archives ouvertes, protocoles, etc., etc. Donc, je passe puisque j'en ai parlé hier. J'insiste par contre sur des liens et des. Alors, un blog, un site, encore un site et puis une liste qui vont vous permettre de suivre toutes les évolutions de l'open access. Alors, en particulier le blog de Peter Sauber, qui c'est un travail énorme. En fait, il recense toutes les nouveautés qu'il y a sur l'open access en général, l'ensemble du mouvement. Vous avez des infos. Il y a le site du libre accès de l'INIST aussi, qui, dans une certaine mesure, pas la traduction, ce serait méchant, mais reprend très largement tout ce qui est dit sur l'open access et des points principaux et en français. Donc ça peut être aussi intéressant. Il y a un site important qui vous propose une bibliographie, propose un certain nombre de répertoires pour les logiciels qui servent à l'open access, c'est Digital Scholarship, où là vous avez une quantité incroyable d'informations aussi sur l'open access en général, et puis une liste, un forum, l'American Scientist Open Access, qui là, donc plutôt à travers le mail. Donc quatre, il y en a d'autres, hein, bien entendu, mais quatre points à travers lesquels on pourra se retrouver. Et puis enfin, la dernière diapo pour engager le débat. J'aimerais bien qu'on engage le débat sur en fait la réalité dans nos institutions de ce mouvement. Hein. Qu'est-ce qui est mis en place dans nos institutions? Comment ça se passe? Voilà. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas encore aussi des freins? La considération des revues en ligne, on parlait beaucoup de ça à un moment donné. Quand quand on est évalué par nos instances, est-ce que les revues en ligne sont aussi bien considérées que les revues papier pour, on pourrait s'interroger sur le plafonnement des dépôts aussi, sur les mandats impératifs, toujours pareil, interne dans nos institutions, sur les droits d'auteur, où on en est. On pourrait aussi s'intéresser à l'évaluation des chercheurs. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont mises en place, comme par exemple en Angleterre, qui permettent qui vont compléter l'évaluation des chercheurs à travers ce qui est déposé dans les archives ouvertes, d'accord? Est-ce qu'il n'y a pas un Sherpa, alors Roméo-Juliette à la française à réaliser? On pourrait s'interroger encore sur la qualité des métadonnées, la citabilité, on a vu quelques exemples hier, et le travail de curation nécessaire des archives ouvertes qui devient important. On pourrait aussi s'interroger sur les modèles éditoriaux à mettre en place, alors à travers des projets comme IORA, Hypothèse Pro, Post-Génomique, Job, Bibap, et puis tous les mashups possibles entre tous ces services en ligne pour la science. Et puis, un point qui me semble intéressant aussi, c'est finalement à travers toute cette mise en place d'archives ouvertes, de revues en libre accès, quel effet ça a sur la création de connaissances. D'accord ? Voilà, donc c'est des questions ouvertes et qu'on peut peut-être débattre maintenant. Donc, on peut débattre. Je vous propose de court-circuiter le débat parce que sinon on ne va pas y arriver et puis il y a beaucoup de questions. Donc ce que je propose, c'est qu'on inaugure la liste de discussions de l'université d'été par ces questions qui sont formalisées et que du coup on puisse en débattre par écrit sur la liste parce que c'est aussi l'objectif, c'est de prolonger la discussion au-delà de vendredi soir, donc on va la sous forme numérique.